Bienvenue au Knowledge Seeker Workshop numéro 601. Mon amie Viviane va vous donner le compte rendu de cet atelier. Talking Time, Partie 12. Pourquoi le temps de la paix n'est-il pas encore venu? Parce que nous n'avons pas encore créé ce temps. Ce qui manque, c'est l'harmonie de notre esprit avec notre âme. Fondamentalement, le temps humain est créé par notre âme en parfaite harmonie avec le développement harmonieux éternel. Mais en même temps, cependant, notre conscience collective actuelle s'y surimpose. De plus, la création du temps est un processus collectif, une symphonie de tous les temps de tous les êtres qui vivent sur la planète, dans l'univers et même dans l'unico tout entier. Car tous les éléments sont interconnectés au sein du réseau universel du tout. Pour réaliser la paix éternelle, toutes les âmes et leurs lignes temporelles doivent être en harmonie, sans être perturbées par notre conscience humaine individuelle et collective, qui continue de se mettre constamment à l'écart. La clé pour y parvenir est l'élévation de notre âme humaine collective. Notre comportement devrait être basé sur l'amour et la créativité, plutôt que sur la compétition et l'ignorance. Nous ne devons pas non plus oublier que toute la création vit déjà dans une paix parfaite et que nous sommes ceux qui ne pouvons pas percevoir correctement cette réalité. Pour élargir notre conscience, nous devons effacer les fausses croyances et dogmes de notre conscience collective. Dans ce processus d'illumination collective, nous passons du statut de consommateurs ignorants et égoïstes à celui de membres responsables de la création. Le processus a commencé, et il y a des signes très clairs qui le montrent. Empty cache. Nous en faisons partie avec tout le reste. Heureusement, ce changement ne dépend pas seulement de nous et de tous les êtres vivants sur Terre. La planète elle-même change, car elle est aussi un être vivant intelligent. Et avec elle, tout l'unico. Au fond, chaque élément est orienté vers l'illumination. En tant que partie du tout, nous ne pouvons en aucun cas nous séparer du collectif. Nous ne pouvons que nous abandonner à l'illusion d'être séparés du tout. Il existe de nombreux signes clairs qui indiquent le changement actuel de notre réalité. L'axe de la planète s'est réorienté, et avec lui le bouclier magnétique qui nous protégeait, jusqu'à présent des messages provenant du centre de l'univers et de l'unico. La force du champ magnétique de notre planète s'est ainsi accrue. Nous observons de plus en plus d'activités volcaniques et de tremblements de terre, ce qui indique un changement énergétique à l'intérieur de notre planète. Nous observons de plus en plus de scènes de compassion entre les humains et entre les humains et les animaux. Nous assistons à un développement plus rapide de la science, physique quantique. Et surtout, les enseignements et l'engagement politique de M. Keshe gagnent de plus en plus d'influence. De plus en plus d'enseignants et d'écoles spirituelles abandonnent la compétition entre eux pour converger vers la conscience que nous sommes une seule humanité, avec une âme collective renouvelée et une nouvelle conscience collective. Mais chacun de nous conserve, cependant, la liberté de rejoindre ce mouvement ou de s'y opposer. C'est ça le processus de polarisation ultime, dans lequel des groupes aux visions du monde très différentes créent des univers parallèles qui ne peuvent plus se percevoir les uns les autres. La planète aussi nous laissera partir si nous le souhaitons. Empty cache. C'est la libération ultime de l'esclavage de la matérialité. Nous passons de l'ancien paradigme selon lequel nous devons gagner notre vie, à une vie par la pure joie de vivre. Nous avons diffusé de la musique via les satellites. Maintenant, nous vous nourrissons via les satellites. Nous changeons les émotions des humains afin de provoquer l'évolution de l'humanité. Nous vous changeons sans que vous vous en rendiez compte. Observez comment vos émotions changent et vous verrez le changement. Aujourd'hui, nous avons changé votre façon de vous nourrir. Empty cache. La KF a donc commencé à utiliser le système satellitaire existant pour changer les émotions de l'humanité, collectivement et individuellement. Si vous voulez goûter du miel ou si vous avez envie d'un steak, vous pouvez désormais l'avoir sans tuer. Nous pouvons vous donner tous les goûts que vous voulez afin que vous obteniez ce dont vous avez besoin. Vous pouvez venir chaque semaine aux ateliers pour vous nourrir. Et nous apaiserons également la soif de richesse en très peu de temps. L'être humain n'a donc pas d'autre choix que de changer. Si vous avez des animaux chez vous, observez leur changement de comportement lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que vous écoutez l'atelier. Empty cache. Monsieur Keshe a déclaré que les satellites et la crypto-monnaie s'avéreront bientôt être la plus grande bénédiction pour l'humanité. Toutes les personnes qui ont acheté la Keshe Coin et le Cosmic Ray Matériel constateront qu'elles ont en fait acquis un système de réplication. Les boules contiennent de l'or pur et peuvent multiplier les quantités d'or, de richesse et d'abondance. Le transfert de nourriture et de connaissances par satellite repose encore actuellement sur la technologie matérielle des satellites, qui présente inévitablement des faiblesses. Ne serait-il donc pas préférable de nous nourrir directement par les rayons cosmiques? Nous passons de l'ancien paradigme selon lequel nous devons gagner notre vie, à une vie par la pure joie de vivre. Nous avons diffusé de la musique via les satellites. Maintenant, nous vous nourrissons via les satellites. Nous changeons les émotions des humains afin de provoquer l'évolution de l'humanité. Nous vous changeons sans que vous vous en rendiez compte. Observez comment vos émotions changent et vous verrez le changement. Aujourd'hui, nous avons changé votre façon de vous nourrir. MT Cache. La KF a donc commencé à utiliser le système satellitaire existant pour changer les émotions de l'humanité, collectivement et individuellement. Si vous voulez goûter du miel ou si vous avez envie d'un steak, vous pouvez désormais l'avoir sans tuer. Nous pouvons vous donner tous les goûts que vous voulez afin que vous obteniez ce dont vous avez besoin. Vous pouvez venir chaque semaine aux ateliers pour vous nourrir. Et nous apaiserons également la soif de richesse en très peu de temps. L'être humain n'a donc pas d'autre choix que de changer. Si vous avez des animaux chez vous, observez leur changement de comportement lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que vous écoutez l'atelier. MT Cache. Monsieur Cache a déclaré que les satellites et la crypto-monnaie s'avéreront bientôt être la plus grande bénédiction pour l'humanité. Toutes les personnes qui ont acheté la Cache Coin et le Cosmic Ray Matériel constateront qu'elles ont en fait acquis un système de réplication. Les boules contiennent de l'or pur et peuvent multiplier les quantités d'or, de richesse et d'abondance. Le transfert de nourriture et de connaissances par satellite repose encore actuellement sur la technologie matérielle des satellites, qui présente inévitablement des faiblesses. Ne serait-il donc pas préférable de nous nourrir directement par les rayons cosmiques? C'est précisément l'objectif à long terme de la KF. Lorsque nous nous nourrissons par satellite, notre corps crée de nouvelles connexions neurologiques. Et chaque fois de plus de connexions à ce système, cette connexion est renforcée, jusqu'à ce que notre corps se nourrisse automatiquement directement des rayons cosmiques. Et plus nous absorbons de connaissances universelles, plus ce processus sera rapide. Cela donne aux étudiants de la KF un avantage temporaire sur les personnes qui n'en ont pas encore accès. QEA, pourquoi ne pas imposer la paix? Hazard a demandé pourquoi Monsieur Cache, qui peut désactiver toutes les armes du monde, n'impose pas la paix mondiale de cette façon? Monsieur Cache a répondu que c'était une question d'efficacité et de liberté. Une paix imposée par la modification des conditions matérielles, comme la désactivation des armes, n'aura qu'un effet très limité. Car elle ne changera pas les gens. Ceux-ci chercheront immédiatement d'autres façons pour imposer leur volonté aux autres. Un changement de comportement imposé ne peut avoir d'effet réel et durable. Si, en revanche, la KF, en collaboration avec tous les autres groupes qui y travaillent, parvient à élever notre conscience, c'est-à-dire à modifier les conditions émotionnelles des gens dans leur vie quotidienne de manière à ce que nous comprenions enfin tous la nécessité de la paix, alors un fort désir de paix naîtrait en nous qui changerait notre façon d'agir dans le monde. Cela nous transformerait individuellement et collectivement, et ne se limiterait pas à un changement de comportement à court terme. Ce processus pourrait prendre plus de temps, mais son effet serait durable. Et nourrir l'humanité grâce aux rayons cosmiques est certainement un moyen très efficace de soutenir ce processus. Merci de votre attention et à la prochaine. Salut!